lentement dans la rivière. Tu auras des lendemains qui chantent, c'était juste une mauvaise pente. Tu as un grand bac à faire, Jean-Louis. Jean-Louis, tu n'es pas fini, oh non. J'écrirai de nouveaux sketchs pour toi. Tu reprendras ta place, mon ami. De la scène comique, tu es le roi. On retournera à Las Vegas pour la première partie de Johnny. On voyagera de palace en palace, of the sense of humor. The King est Jean-Louis. Il dit de toi que tu es fini, Jean-Louis. Que ton humour est d'un autre âge. Que la relève est déjà là, ils disent. Faut que tu partes. Tu sois sage. Oh Jean-Louis, je t'en prie, parle-moi. Jean-Louis, je t'en prie, ne te jette pas bêtement dans la rivière. Tu auras des lendemains qui chantent, c'était juste une mauvaise pente. Tu as un callback à faire. Mesdames et messieurs, il est là, il est en forme ce soir, monsieur Jean-Louis Printanier. Tu auras des lendemains qui chantent, c'était juste une mauvaise pente.